เรื่องท่านมาด้วยจะเต็มเต็มเต็มเต็ม มาเต็มเลยก็มาหมดเลยทำไมทำไม Bonsoir encore. Je crois qu'ils sont de regarder si tout le monde est là, si on peut entamer. Je ne veux pas que quelqu'un pète vraiment cette séance-ci. Donc on va travailler en deux sessions. Pour ceux qui sont nouveaux, nous disons bonsoir aux serviteurs du Seigneur qui sont là. Bonne arrivée mon frère. Ça n'a pas été facile, n'est-ce pas? Donc, je crois qu'au milieu de l'assemblée, on te voit pour la première fois. À ce niveau-là, de ton côté, il y a le combat là-bas. Mais ça n'a pas encore commencé. Attends seulement que le virus qui nous a piqué vous pique vraiment au fond. Alors vous allez comprendre pourquoi. S'il y a des téléphones qui sont ouverts, veillons fermés. Parce qu'il faut qu'on travaille, que quelque chose ne nous perturbe pas. Comme ça, on va parler. On va travailler en deux sessions. Donc, la première session consistera à rappeler tout ce qu'on a vu jusque-là. Et dire là où on est en train d'aller. Puis, statut ce qu'on va faire aujourd'hui. Et en deuxième lieu maintenant, je vais vous mettre ce qui concerne ça. Quelque chose pour mettre le tournevis sur le cœur. D'accord, frère. Donc, si les téléphones sont éteints, il faut que vous soyez concentrés. Vous qui avez les enfants, vraiment dirigez les enfants pour que les enfants ne dérangent pas. Donc, soyez concentrés maintenant. Je veux que vous ayez le Seigneur au-devant de vous. Vous soyez concentrés sur lui. Pendant qu'on va voir cela. Et à tout moment, au courant de la première session, à tout moment, vous pouvez interrompre pour poser des questions. Il peut commencer maintenant. Les frères. Donc, prenons nos Bibles. Donc, je vais commencer par le rappel de ce que nous avons vu. Et comme les gens sont nouvelles, il faut qu'on puisse savoir de quoi il est question. S'il vous plaît, contrôlez vraiment les enfants, que les enfants ne perturbent pas. Donc, les trois dernières séances, nous avons commencé à voir quelque chose. La première chose que nous avons faite, lorsque nous voyons les problèmes de l'Église, nous avons établi qu'au milieu chrétien, il y a des problèmes, à moins qu'on nous fassions comme l'autruche. L'autruche qui, quand il sait qu'il y a des difficultés, plonge la tête dans l'herbe ou bien dans le sable pour empêcher, croyant que lorsqu'il s'empêche de voir le problème, ça se passe que le problème n'est pas. Ou mieux, ces singes-là, à qui on tend le fusil, ils tirent les feuilles d'arbre pour couvrir son visage. Il lui suit qu'on ne le voit plus. Alors que c'est lui qui ne voit pas la personne qui en a tiré. Donc, il y a un problème réel au milieu chrétien. Quels sont ces problèmes? Nous avons vu ces jours-là, commençant par Jean chapitre 16, verset 24. Nous avons lu ces jours-là, Jean chapitre 16, verset 24, que le Seigneur Jésus-Christ a donné des merveilleuses promesses. Et dans ces Jean chapitre 16, verset 24, le Seigneur Jésus-Christ a dit, « Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. » On a convenu que, sans exception, les enfants de Dieu prient aujourd'hui, il n'y a pas de résultat. Nous qui nous sommes enfants de Dieu, on prie aujourd'hui, il n'y a pas de résultat. On a cité également Jean chapitre 14, verset 12, où le Seigneur Jésus-Christ a dit qu'en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais et en fera davantage. N'est-ce pas? Pas plus grande. En fera davantage. Nous convenons également que nous ne faisons pas ces œuvres-là encore aujourd'hui. On est d'accord? Grave encore, les premiers chrétiens accomplissaient des miracles au nom de Jésus-Christ et c'était palpable. Nous disons chrétiens à ce modèle-là aujourd'hui, mais nous n'avons pas ces œuvres-là qui nous suivent. Dans ce cas, il faut qu'on réfléchisse là où nous sommes tombés. C'est là où la réflexion nous a conduit. N'est-ce pas, frère? Donc, il y a donc des promesses comme ça dans la Bible. La deuxième séance, nous avons commencé donc à voir donc au niveau donc de la prière fervente du juste. Ça nous a permis donc de voir ce que c'était la prière fervente du juste, n'est-ce pas? Nous avons parcouru les Écritures tout au long. Nous avons vu le cas d'Élie. On a dit que Élie était quelqu'un de la même nature que nous. Il a prié qu'il ne pleuve pas sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Et puis, il pria de nouveau. Nous sommes allés voir le Saint-Esprit nous a montré effectivement que quand il a déclaré qu'il ne tombera pas la pluie, il allait prier. Et nous avons compris, d'après la Bible, ce que c'était la prière fervente du juste. Nous avons noté particulièrement 5 points sur lesquels il va falloir que nous revenions. Nous avons vu qu'en premier point, nous avons vu, pas que nous sommes en train de voir, qu'en premier point, c'était quoi? La prière fervente du juste, c'est quoi? Les premières conditions, c'était quoi? Il faut qu'on ait un but dans la prière. Parce que nous avons vu ici que on va dans la prière. Quelqu'un se met à genoux qu'il veut prier. Dans son cœur, ce qu'il veut prier peut-être pour le travail. Après, il se rend compte qu'il a des prix pour sa mère au village, pour ses enfants au quartier. Après, il se réfléchit que telle personne m'avait des prix, il ne l'a jamais pas donné. Après, il dit que dès qu'il sort ici, vous allez me donner mon argent. Donc, les pensées étaient dispersées. Et alors, on a vu, c'est donc pour cela que nos prières restent obsolètes ou bien inutiles devant le Seigneur. N'est-ce pas, frère? Donc, voilà la première chose. Nous avons convenu que c'est parce que c'était pour voir effectivement la prière fervente de juste. Et lorsque nous avons pris un exemple, nous avons pris le cas d'Anne. Nous avons vu effectivement comment plusieurs fois elle a prié, elle est montée au temple à Silo, enfin, dans le tabernacle à Silo, lieu de rencontre de l'Éternel. Elle a versé ses larmes là-bas. Mais un jour, quand elle est allée, elle est restée dans la prière. Nous avons vu effectivement qu'elle a duré dans la prière parce que le sacrificateur Élie est venu pour lui dire pourquoi tu dures dans la prière comme ça? Tout le monde était venu dans la fête jusqu'à partir, elle est restée là-bas. Donc nous avons convenu que la prière fervente, c'est lorsque le cœur est inondé par ces pensées-là, juste parce qu'il faut que ça soit déchargé devant le Seigneur. N'est-ce pas, frère? Tant que ça n'arrive pas à ce niveau-là, tu vas babader seulement. Voilà pourquoi nos prières, généralement, sont sans pouvoir, parce que nous babadons seulement. On ouvre la bouche comme ça, on baille 3 fois, on dit Seigneur, merci, oui, oui. Puis c'est terminé. Et on croit qu'on aura le même exaucement comme ceux de la Bible. N'est-ce pas? Anne a pleuré, s'est déchargée devant le Seigneur. Et la Bible déclare que lorsqu'elle a quitté dans cette prière-là, son visage ne fut plus le même. La nourriture qu'on lui proposait chaque fois, elle refusait, elle a commencé à manger parce qu'elle savait que quelque chose était arrivé. Il y avait une paix intérieure qui s'était installée. Et nous, on a donc vu dans autre point que la Bible déclare, par rapport à ce premier point-là, qu'il faut qu'on ait un but. Nous avons lu dans le Nouveau Testament, que la Bible nous dit dans Éphésiens, enfin, dans Philippiens au chapitre 4, les versets 6 et 7, que ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins. Donc, on doit avoir des besoins pour les faire connaître au Seigneur. C'est ce qu'on a vu, n'est-ce pas? Il faut qu'on ait des besoins pour les lui faire connaître. N'est-ce pas, bien-aimé? Deuxième point, nous avons vu quoi? Qu'on ne doit jamais se relâcher. Et cela nous a conduit dans le livre de Luc au chapitre 18, verset 1, où le Seigneur Jésus nous a donné deux instructions là-bas, qui sont les piliers de cette prière sans interruption. Nous avons vu que le Seigneur Jésus nous a donné là-bas, il est écrit dans ce Luc chapitre 18, verset 1, que le Seigneur Jésus-Christ leur a donné ces paraboles pour montrer à ses disciples qu'il faut, un, toujours prier et ne point se relâcher. Parce qu'on se relâche dans les prières. Et au verset 7 là-bas, la Bible déclare donc, après avoir donné le discours de cette veuve-là qui venait chaque fois demander au roi, le roi qui ne craignait pas Dieu, de lui faire, de le juge qui ne croyait pas Dieu, de lui rendre justice de sa partie adverse. La Bible, Jésus dit, écoutez ce que dit ce roi, ce juge unique-là. Après, il dit que, et Dieu ne rendra-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Donc, c'est cette fausse doctrine-là qu'on a enseigné aux chrétiens que Christ est mort, nous avons tout, il suffit de dire, il faut de croire, de confesser que ça vient. Et Jésus, lui, il dit ici que ses élus crient jour et nuit. Donc, on doit crier jour et nuit. Par la suite, il dit qu'il leur fera promptement justice. Dieu dit d'une façon, d'une part, qu'il crie jour et nuit. D'autre part, il dit qu'il rentre promptement. Jour et nuit, il ne dit pas quelle détermination. Quand tu fais deux jours, deux nuits, ça fait jour et nuit. Une semaine, c'est jour, il y a des jours et nuits là-dedans. Un an, ça fait, il y a des jours et des nuits là-dedans. Mais il n'a pas dit quel. Pas vrai? Donc, ça dit que, et quand Dieu va répondre à chaque moment, si ta prière fait cinq ans, pour Dieu, c'est promptement. Si ça a fait deux ans, pour Dieu, c'est promptement. C'est frère. Donc, troisième point. Faut s'approcher en croyant. Donc, on a vu dans ces cas-là, Hébreux chapitre 4, le verset 16, n'est-ce pas? La Bible déclare qu'il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Et la Bible déclare sans la foi dans Hébreux chapitre 11, le verset 6 qu'on a reçu ce jour-là, que sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Et dans 1 Jean chapitre 5, verset 14 et 15, il dit que nous avons auprès de lui cette assurance. Que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, donc voilà les choses qu'il faut savoir. D'abord, quand on voyait ce point-là, je vous ai dit, n'aventurez pas devant Dieu si vous n'avez pas circonscrit votre point pour lequel vous voulez prier. Deux, arrangez-vous à savoir si vous croyez d'abord que vous, quand vous lisez, vous croyez que Dieu va le faire. Si vous ne le faites pas, n'avancez pas pour prier. N'ouvrez pas la bouche pour prier, sinon vous allez le tenter. Souvenez, on a lu Jacques au chapitre 1, les versets 5 à 6, où il a dit que si quelqu'un manque de la sagesse, qu'il la demande à Dieu, qu'il donne à tout simplement, et lui sera donné. N'est-ce pas? Mais qu'il la demande avec foi. Car celui qui doute est semblable à des flots, n'est-ce pas? Voilà. Donc, dans ce 1 Jean au chapitre 5, verset 14 à 15, il dit, nous avons auprès de lui cette assurance. Tout ce que nous demanderons, nous savons qu'il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, nous, c'est pour ça que ce jour-là, il dit qu'il veut revenir sur le mot, va répondre. Normalement, ce n'est pas, si il regarde, je dis, voici la volonté de Dieu, je prie. Je ne dois pas croire que Dieu va répondre. C'est pour ça que j'avais dit dans cette le jour-là que je vais revenir sur va. D'accord? Est-ce que vous me saisissez? En réalité, l'homme de la foi, l'homme qui a foi, voit la chose s'accomplir avant qu'elle ne vienne à l'existence. En réalité, c'est la position de l'écriture. D'accord? Et pour cela, nous avons lu également le livre de... Vous qui venez là, venez, veuillez vérifier si votre téléphone n'est pas éteint. Nous avons lu le livre de Marc au chapitre 11, verset 23 et suivant, où le Seigneur Jésus a maudit le figuier. Il a dit que si vous avez foi, tout ce que vous demanderez en priant, vous avez reçu, n'est-ce pas? Donc, nous comprenons effectivement, d'après 1 Jean au chapitre 5, verset 14 à 15, que normalement, vous devez croire que vous l'avez reçu sans que vous ne voyez. Nous avons auprès de lui cette assurance que ce que nous lui demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Donc, ça veut dire que, il nous écoute, veut dire ceci. Ça veut dire que même si on n'entend pas la voix, même si on n'entend pas, sache qu'il est au courant. Puisque lui-même, il a dit que votre Père se laissait de quoi il est question, de quoi vous avez besoin, avant que vous ne lui demandez, n'est-ce pas? Voilà. Alors, maintenant, si nous savons qu'il nous écoute, ce sont les conditions qu'on met pour montrer comment vous posez la chose. Et si nous savons, quand les chrétiens viennent, remarquez bien, un chrétien vient te voir que frère, prie pour moi, c'est fort. As-tu déjà prié pour cela? Oui, j'ai déjà prié, je ne sais même pas si Dieu m'écoute. Ça suppose que tu es quelqu'un qui est incrédule, pire qu'un infidèle. Que je ne sais même pas, ça fait longtemps que j'ai prié, je ne sais même plus si Dieu m'écoute. Si vous avez fait cette déclaration, vous avez besoin de profonde repentance. Parce que vous doutez de l'écriture. Dans ce cas, vous faites de Dieu menteur. Lorsque nous avons mal, on a vu dans Saint Jacques chapitre 5, où nous avons commencé au verset 13, quelqu'un est-il dans la souffrance qu'il... Donc, ça veut dire que s'il prie maintenant à cause d'une souffrance, je me rends compte que je suis dans la souffrance. Qu'est-ce qu'il fait? C'est parce que si je suis dans la souffrance maintenant, je prie. Je dis Amen. Demain, je me rends compte que la même souffrance, la joue Jacques chapitre 5, verset 13, avant quand il me dit que quoi? Voilà. Et je prie encore. De cette même souffrance là. Une semaine après, la même souffrance, elle la joue, Jean chapitre 5, verset 13, ça me dit quoi? Oui. Voilà, c'est ça exactement qui vous fait ça, la prière persistante. D'accord, frère? Voilà. Donc, la prière persistante, donc, c'est ça, il faut tenir, il faut prier. Et nous avons vu l'exemple du Seigneur jusque lui-même dans ce Matthieu chapitre 26, n'est-ce pas? Lorsque Jésus était à Gethsémané, il a donné à sa disciple de rester là-bas, je m'en vais prier. Il est allé, la Bible déclare qu'il est allé, il a dit, Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi sans que je ne la boive, toutefois non pas ma volonté, mais la tienne. Il a duré une heure dans la prière en disant seulement cela parce que c'était la croix qui était dans sa perspective. Il était en train de lutter dans la prière pour voir si oui ou non Dieu peut changer la situation. La Bible déclare qu'il est revenu vers ses disciples une heure de temps après, il a trouvé ses disciples endormis. Il dit, vous dormez maintenant, veillez et priez afin qu'on ne tombe bien en tentation. Vous comprenez ce qu'il dit? Si vous ne veillez pas, vous ne priez pas, vous êtes où? Et si tu ne sais même pas qu'il y a tentation, ça veut dire que tu as été vaincu. C'est-à-dire que la tentation a eu lieu, tu es tombé sans t'en rendre compte. N'est-ce pas? Ok, maintenant, la Bible déclare qu'il est rentré encore à ce même endroit. Il s'est jeté encore à genoux. La Bible déclare, répétant les mêmes paroles que précédemment. Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne sans que je ne la boive. Toutefois, non pas ma volonté, mais la tienne. Il a encore fait une heure. Rentrant vers ses disciples, il les a trouvés, il faisait de la même façon. Il est encore rentré pour la troisième fois. Donc, nous avons vu qu'un exemple clair, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez attentifs vraiment. Nous avons vu que l'autre exemple parfait, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui a, pendant 3 heures de temps, prié un seul sujet de prière. Et là, maintenant, je vous ai donné un défi là-bas de regarder dans votre pensée les problèmes que vous avez. Un problème. Vous avez circoncis, vous avez fermé les yeux 2 minutes. Vous avez vu qu'en 2 minutes, vous avez pensé à l'argent, à la nourriture, aux dettes, à la voiture, aux bailleurs, ainsi de suite. Pas vrai? 2 minutes. Donc, si vous mettez 15 minutes, ça va aller comme au niveau du sommeil même. Au niveau du sommeil. Quand vous voyez que tu as sommeil, avant que tu dis frère, on est encore à l'assemblée. Absolument. Pourquoi? Parce que nos pensées donc, sont donc dispersées. Et lorsque nous avons détecté que nos pensées sont dispersées, on s'est posé la question que qu'est-ce qui donc peut faire que nos pensées soient dispersées dans la prière? Sinon, on ne règle pas ces problèmes-ci. Tous les autres qu'on va faire là, c'est des histoires. Suivez très attentivement. Parce qu'on a convenu que, il faut que, pour que ça soit la prière fervente des justes, il faut que ça soit sur le cœur, que ça nous porte à cœur. On a pris l'exemple de cette demande d'emploi que tu as. Si tu as déposé la demande d'emploi quelque part, et tu espères du travail, tu espères le travail, un jour on t'appelle que dans 4 jours, tu vas passer le travail. Quoi, à l'entretien. À partir de ces jours-là, tu dois à midi, tu vas rêver du travail. Le grand matin, tu vas te réveiller, tu vas avoir les visions sur le travail. Pas vrai? Pourquoi? Parce que cette pensée nous a envahis. Et ça, c'est une promesse terrestre. À combien plus fort résumer maintenant les promesses dont l'étendue c'est dans les cieux, dans l'éternité. Pourquoi donc ça ne nous tient pas à cœur? Le Seigneur Jésus nous a donné la réponse dans le livre de Marc, enfin, Luc au chapitre 21, que nous avons lu, j'ai donné ce jour-là, le verset 34. Si vous le verset 34, le verset 34, prenons cela, verset 34 de Luc au chapitre 21. Donc c'est le Seigneur Jésus qui nous a dit clairement quel est le vrai problème. Vous pouvez noter aussi en parallèle là-bas, parce que ce que je n'avais pas donné, c'est la Marc au chapitre 4 où on parle de l'histoire des les différents types de terres. Vous allez voir qu'il y a des gens qui reçoivent la parole à cause des problèmes de la vie dans le cœur, qui troublent le cœur, n'est-ce pas? Ça crée des problèmes. Qui peut me lire cela maintenant? Prenez garde à vous-même. Oui. De crainte que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès du manger et du boire. Stoppez là-bas. Vous avez saisi? Mm-hmm. Vous avez saisi? Donc un vrai chrétien fera tout et tout pour s'éloigner dans les festivités. Un vrai chrétien fera tout et tout pour s'éloigner vers les des festivités. Je vais vous dire pourquoi. Pas pour dire que c'est interdit, parce que le Seigneur Jésus nous demande de prendre garde. Souvenez-vous, plusieurs exhortations qu'il a dit par rapport à la fin de temps, il va dire que les gens se mariaient, jouaient au-delà, ça venait à l'improviste. Vous savez, n'est-ce pas? Donc, on le veut ou pas, quand ça va arriver, quelqu'un sera en train de se marier ce jour-là. Quelqu'un sera en train de se lever, c'est d'un côté. L'autre sera en train de fêter peut-être la promotion quelque part, ça va arriver subitement. Donc, regardez bien ce que le Seigneur Jésus nous dit. Il dit ici que prenez garde. Donc, faites attention. Faites attention de peur que votre cœur ne s'apaisantisse. C'est lui qui a donné la solution, le fait qu'on est dispersé dans la prière par rapport à notre cœur. Selon le cœur, le lieu de porteur de ces problèmes-là. Vous savez, n'est-ce pas? Il dit, prenez garde que votre cœur ne s'apaisantisse pas des excès de manger. Pas vrai? Et de... Wow. C'est pas dans la maison qu'on fait la chèche comme ça, c'est dans les fêtes. Vous savez, n'est-ce pas? C'est dans les fêtes, le tuyau. C'est dans les tuyaux qu'il y a des excès de manger où on dit que tu peux bisser. Que ici c'est l'entrée, là c'est la sortie, là c'est le milieu. N'est-ce pas, frère? Quand tu vois comme ça, tout ce qu'on a de fait là-bas, tu dis seulement que finissez vite, c'est la table, ma cible, c'est là-bas. Pas vrai? Après, il dit quoi? Et par les soucis de la vie. Stoppons là-bas. Vous avez saisi, n'est-ce pas? Donc, même si on va prêcher l'évangile, n'importe comment, on prend n'importe comment. Tu vas seulement dire que, frère, je t'ai dit comme ça parce que tu n'as pas souffert comme moi. Souvenez-vous de ceci. Chaque personne appelée en Christ, si tu te trouves en Christ, ou bien tu es candidat même d'appel, suivez attentivement ce que je veux dire. Que tu ne sois pas encore en Christ et que dans le plan de Dieu tu seras appelé, dès ton jeune âge, avant que tu ne croises le connaître même Christ, tu commences ta part de souffrance. Parce que Satan sait que d'un moment à l'autre, il va te perdre. Alors maintenant, quelles que soient les difficultés donc, qu'un enfant du Seigneur a, chacune de ces difficultés-là est destinée par Dieu dans sa mission pour pouvoir le former selon le caractère qu'il veut lui donner. C'est pour cela. Voilà pourquoi on ne peut pas prier pour éloigner les souffrances. La Bible déclare que c'est à cela que nous avons été appelés afin d'hériter le royaume. Christ aussi a souffert afin de nous, et nous a laissé les exemples afin que nous suivions ses traces. C'est ça. Donc, les souffrances ne doivent pas être enlevées. Je souffre trop. Je souffre trop. Vous entendez pour quelqu'un. Vous savez, j'ai des vidéos là-bas, des personnes qui sont nées sans la bouche. Une femme qui est là, elle a 500 kilos. L'autre qui est née sans main, sans pied. Des autres qui sont nés avec les dos collés. L'autre qui est né, son nez. Et à l'autre qu'on a, les chirurgiens, des Asiatiques ont dû créer le nez au niveau de son front. C'est ouvert en haut comme ça, comme la cheminée. Quelqu'un est venu dans la maison, il m'a parlé des problèmes. Quand tu parles, je ne dis rien. Pendant que tu en as parlé, il dit, parle, il t'écoute. Tu en as parlé, tu en as classé les vidéos. Je classe. Après, je mets les vidéos, je dis que j'arrive. Fini les vidéos, là, j'arrive. Quand j'ai fini, quand la personne a fini, vous savez, quand la personne a fini, en voyant même les vidéos, son problème se résout. Mais en voyant les vidéos, son problème se résout. Quand il vient, il m'assoit, il dit, ok, j'étais là, tu as fini de voir, il dit, oui. Il dit, quel était ton problème là déjà? Il dit, non, frère, je n'ai plus de problème. Parce qu'ils comprennent quelle est la question que tu en es de poser. C'est-à-dire que tu as les problèmes. Tu marches avec deux pieds. Tu dors bien. Tu commences à manger. Même si tu ne manges pas un jour. La personne qui n'a pas deux mains, n'a pas deux pieds. Si tu tombes dans une eau, Mado, s'il y a le feu en train de brûler, la maison ne peut pas fuir. Mais toi, tu peux fuir. Si on te donne ces problèmes à toi, tu vas vouloir. En fait, il n'y a même pas de besoin de réponse là-bas. Ça, c'est non. Pas vrai? Donc, en réalité, chaque personne, comme tu as ta taille, ta corpulence, ta voix, tes goûts, ainsi en est de tes souffrances et de tes bénédictions. C'est pas vrai. Donc ne fuyons pas cela. Nos bénédictions, c'est pour glorifier le Seigneur. Nos souffrances, c'est pour nous fortifier dans le Seigneur. Pour fortifier notre foi. Souvenez-vous de l'épreuve de la foi dont parle 1 Pierre. Afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or pur, qui cependant passe par le feu. D'accord? Voilà. Donc, et c'est cette souffrance donc là que l'église de Laodicée ne fait pas souffrir. Et la Bible déclare que Laodicée monte et descend et est revenu dans la souffrance. N'est-ce pas? Je vous conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu. Donc, si vous venez vers Jésus pour tester sa divinité, vous allez goûter la souffrance. C'est aussi simple que possible. Donc, pas fuir ça. N'est-ce pas, frère? Autre point que nous avons vu, sans défaire le rappel pour ceux qui ne sont pas là, pour qu'on soit au même niveau pour avancer. Autre point que nous avons vu qu'il y a besoin d'examiner son cœur si oui ou non on est dans l'iniquité ou pas. Et nous avons vu le psaume 66, versets 18 et 19. Où le psalmiste dit, si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. N'est-ce pas? Nous avons également donné Jean au chapitre 9, le verset 30 à 32, où c'est avec l'heure de naissance, là, elle a été guérie. On lui a demandé, il lui a dit que nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs. Mais si quelqu'un l'aime et fait sa volonté, c'est celui-là qui exauce. On a également lu Proverbe au chapitre 28, le verset 9. Que si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination. Donc il faut vraiment que je vérifie d'abord si je suis dans l'iniquité. Si c'est dans l'iniquité, la première chose à faire, c'est la repentance d'abord, avant d'avancer avec le Seigneur. N'est-ce pas? Nous avons lu Isaïe chapitre 59, verset 1 à 4, où il a dit, non, la bouche de l'Éternel n'est pas assez dure, sa main n'est pas assez longue pour sauver, ce sont nos crimes qui créent une séparation entre lui et nous, n'est-ce pas? Dans le chapitre 1, verset 16 à 19, il a dit, venez et plaidons. Si vos péchés sont rouges comme le cramoisi, deviendront blancs comme la neige. C'est ce qu'on a vu, n'est-ce pas? Et à chaque fois, nous avons vu que chaque fois quand Dieu nous invitait à la prière, il l'invitait par la suite à répondre à la réponse, n'est-ce pas? Nous avons également évolué dans 2 Chroniques au chapitre 7, verset 14. 2 Chroniques chapitre 7, verset 14, nous avons lu, il a dit, si mon peuple, ce qui a invoqué mon nom, prie, n'est-ce pas? Se repent de ses mauvaises œuvres du haut des cieux, je les répondrai, n'est-ce pas? On a vu cela, ce qu'on a lu. Par la suite, oui, frère. Je vais dire même 1 Pierre, chapitre 1, verset 17, là où il dit que si vous invoquez comme père, celui qui est saint, voilà, va marcher dans la crainte du ciel, pendant le jour de votre pèlerinage. Amen. Donc nous avons également vu un autre point, nous avons vu le manque de pardon. Que la prière, l'exaucement de la prière est intimement lié au pardon. Donc il faut vérifier que si je suis sur le cœur, nous n'avons pas gardé quelqu'un sur le cœur. Jésus a dit dans Marc chapitre 11, nous avons lu Luc chapitre 6, enfin on a donné Luc chapitre 6 verset 11 à 19, où il a dit que où vous êtes debout faisant votre prière, vous vous souvenez que vous avez quelque chose que vous devez pardonner d'abord. Vous ne pardonnez pas, Dieu ne peut pas vous pardonner. C'est sa règle là-bas, n'est-ce pas? On a vu cela. Donc, et on a vu que autour de ceci, on voit effectivement que sans qu'il y ait l'Esprit de Dieu, on ne peut pas avancer. Nous avons vu effectivement dans Zacharie qu'il est dit que ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par l'Esprit, dit le Seigneur. Et je vous ai dit également, Ésaïe au chapitre 59, verset 17. Non, ça c'est pas le verset 17 ça. Corrigé. Ça c'est le verset 19 là. Parce que le verset 17, il parle de la justice. Donc, ce verset 19 de Ésaïe chapitre 59, la Bible déclare que lorsque l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. N'est-ce pas? Donc, ça veut dire qu'il faut l'Esprit de Dieu au milieu de nous. Il dit, lorsque l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit du Seigneur l'Éternel les mettra en fuite, n'est-ce pas? Donc, ça veut dire que ce n'est pas à nous de lutter. Et c'est ce qu'on a enseigné aux chrétiens. On dit donc que les gens sont, on a déformé les gens pour le combat spirituel. Comment toi qui es charnel, qui n'a pas l'esprit, tu vas combattre les êtres désincarnés? Comment? Ça veut dire que plus tu pries contre eux, plus ils entrent en toi. Voilà pourquoi d'autres personnes entrent dans la prière, ils sortent avec des problèmes. Voilà pourquoi d'autres personnes entrent dans la prière, ils sortent avec des problèmes. Parce que ça allait attaquer les êtres. Quand vous attaquez le Satan comme ça, c'est facilement, tu as de le tenter. Voilà pourquoi il faut qu'on comprenne la puissance qui est dans le nom de Jésus-Christ. Alors la puissance qui est dans le nom de Jésus-Christ ne se prononce pas par les lèvres. C'est l'esprit qui doit pousser à confesser ce nom-là. L'esprit. Sinon comment on peut devoir nous dire que au nom de Jésus-Christ, tout genou fléchira. Tu dis à un démon qu'au nom de Jésus-Christ, fléchit, le genou ne fléchit pas le genou. Ça veut dire que soit la parole est menteur, soit c'est toi qui as un problème. N'est-ce pas? La parole ne peut pas mentir. C'est parce qu'il y a une puissance correspondante au nom de Jésus. D'accord? Cette puissance correspondante, donc, ceux qui sont revêtus de la puissance en haut ont l'autorité dans le nom de Jésus. Vous savez lu quoi? Actes chapitre 3 où l'apôtre Pierre allait au temple avec ses paralysés, avec Jean. Lorsqu'il s'est tourné vers ce garçon, il a dit que lève-toi et il a prié. Après, il a dit que c'est pas la foi dans le nom. Vous entendez ça? La foi dans le nom. La foi, comment on peut avoir foi dans le nom? Que son nom a raffermi. Donc, c'est pas l'autorité que nous avons dans le nom de Jésus que ça a fait que ce garçon se lève. L'autorité. D'accord? Voilà. Ça, c'est le dynamis. Dynamis. Donc, nous avons vu également une autre chose qu'il faut rayer. Nous avons dit qu'il y a des murets que nous savons qu'on renverse. Le premier muret, c'est que on ne doit pas mettre un temps de prière. C'est très important. Parce que quelqu'un va dans la prière, dit que j'ai ma prière de 15 minutes. Attends-moi dans 15 minutes. Il va prier 15 minutes. En priant, il ouvre les yeux chaque fois pour regarder l'heure. Pour regarder l'heure. On ne peut pas dicter, parce que c'est pas biblique. On ne peut pas dicter à Dieu le temps où il va répondre. En faisant comme ça, on a tenté Dieu. N'est-ce pas? Donc, dans ces exemples des prières ferventes pour le juste, je vous ai donné le cas de Néhémie, on n'a pas lu. Si vous lisez le livre de Néhémie, chapitre 1, chapitre 2, vous allez voir effectivement que, au mois de Kislev, il va faire une prière, au mois de Tammuz, il va faire donc, de décembre en mars. Donc, 3 mois va passer, quand il va faire la prière, Dieu va répondre. Et il a fait cette prière-là, étant dans le jeûne dans la prière. Au chapitre 1 nous dit, au chapitre 2, donc, le roi lui donne la réponse. N'est-ce pas? Ouais, le chapitre 1 parle de mois de Kislev. Donc, dans un livre, le décembre, en décembre, le mois de Tammuz au niveau du chapitre 2. Donc, l'écart maintenant de décembre en mars. Regardez bien, l'écart. Où il était dans le deuil, dans le pleur. Jusqu'à là, il a dit, fais-moi trouver grâce devant cet homme. Quand il a commencé à servir le roi a dit, mais tu as une mauvaise mine, qu'est-ce qui ne va pas? Il demande ce que tu veux. Il a béni Dieu dans son cœur, n'est-ce pas, frère? Donc, maintenant, regardez, il a fait une prière pendant 3 mois. N'est-ce pas? Voilà. On a vu le cas de Daniel au chapitre 9, n'est-ce pas? Regardez comment il a prié. Ok. On peut avancer maintenant, n'est-ce pas? On peut avancer maintenant. Là, c'est le rappel. Tout le monde y est maintenant. Donc, ça veut dire qu'il fallait qu'on corrige le tir pour savoir là où on est en train d'aller. Parce que le but, c'est ceci. Les chrétiens sont mal. Nous voulons vivre la gloire telle que les premiers chrétiens l'ont vécu. Pourquoi nous n'avons pas vécu cela jusque-là? Ou bien, qu'est-ce qui nous empêche de vivre? Diagnostic, ce sont les problèmes. Nous avons fait entrer l'iniquité, des choses que Dieu ne veut pas. Principalement, la mondanité et la désobéissance. Principalement. La mondanité et la désobéissance. Il faut que ces choses-là soient enlevées. Comment ces choses seront enlevées si nous examinons, on ne les examine pas un à un? Il faut les examiner un à un. Pourquoi un à un? Parce que Dieu lui-même nous invite dans 2 Chroniques chapitre 7, verset 14. Si mon peuple se détourne de ses mauvaises voies, pourquoi tu te détournes de ses mauvaises voies? Il faut que tu connaisses les mauvaises voies. Quelqu'un peut entrer et sortir avec un enfant ou bien avec une fille sans savoir que la fornication n'est pas bien. Il faut qu'ils comprennent que la fornication n'est pas bien pour dire, oh, désormais, je ne pêche plus contre la fornication, d'accord? Parce que vous dites, repends-toi et dis que Seigneur, je me repends de tous mes péchés, rentre de conduire avec la fille. Vous comprenez? Est-ce que c'est de tenir une mauvaise voie? Il faut qu'on lui indique que c'est la fornication dont il est question. Ici, parce que Dieu dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, que c'est que Dieu veut, c'est votre sanctification. Il ne s'arrête pas là, parce qu'on dit que, non, il faut qu'on vive dans la sanctification. Est-ce que vous comprenez la portée de la sanctification? Après, il dit virgule, c'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté. Virgule, que chacun de vous s'abstienne de l'impurité. Virgule, est-ce que vous comprenez là? 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 3 et suivant. Vous cessez? Donc, ça veut dire que la sanctification là, il faut travailler dans ses yeux, dans tous ses membres. La sanctification. Comment mon frère? Dans toutes vos conduites. Toutes vos conduites, n'est-ce pas? Soyez saints dans toutes vos conduites. La conduite doit être saine. La conduite doit être saine. On doit habiller notre conduite, notre comportement. N'est-ce pas? Et 1 Thessaloniciens chapitre 5 dit que tout votre être, votre corps, âme et esprit soient gardés irrépréhensibles à sa venue. Est-ce que vous comprenez qu'il y a du travail à faire? Que tout votre être soit gardé irrépréhensible. 1 Pierre chapitre 1, que nous avons vu la dernière fois, le verset 11, et le chapitre 2, verset 11 également, parle de la convoitise charnelle qui font la guerre à l'âme. La guerre est déclarée, donc il faut qu'on débatte. Donc si on ne sait pas quelles sont les convoitises de notre âme, ce qui nous fait frémir dans l'âme là, on ne va pas s'en sortir. C'est pourquoi cet enseignement s'est suscité. Alors maintenant, pour que ça soit suscité, il faut donc que ce qu'on va faire plus tard, qu'on soit d'abord armé, commence à prier. C'est pour cela que l'enseignement sur la prière est sorti, n'est-ce pas? Pour corriger le tir, rectifier le tir, afin que lorsque chacun va se mettre à part pour prier, qu'il prie de la bonne façon. D'accord? Donc, première instruction, à partir de maintenant, quand vous allez rentrer, donc que chacun se cherche un cahier. Un cahier, ça sera ton cahier. Personne ne lira ton cahier, c'est entre toi et Dieu. Parce que on va faire ce que la Bible dit. Chaque fois que nous citons ces versets bibliques, personne ne comprend ce qu'on a dit de dire. La Bible déclare dans 1 Corinthiens, enfin, dans l'une des 2 Corinthiens chapitre 13, le verset 5, il dit, examinez-vous vous-même. Quand vous allez faire le check-up à l'hôpital, qu'est-ce que le médecin fait? Est-ce qu'il te regarde comme ça et dit que tu n'as rien? Quand on dit qu'on va faire le check-up, vous savez, il y a des gens qui font le bilan de santé. Il y a des organes qu'on examine. Pas vrai? On regarde si tes yeux sont bien, si le niveau de rein c'est bon. On regarde si le rythme cardiaque est bien, si ton pulse est bien, si la glycémie est bien, pas vrai? La motricité, on teste les motricités. C'est pas ça, frère. Ça, c'est ce qu'on fait dans le monde. On teste comme ça pour voir si notre membre est bien. L'apôtre Paul dit que examinez-vous, donc c'est pour savoir si vous êtes les membres du corps. Donc, on va s'examiner. C'est chacun pour soi. Parce que quand on va, si je vais à l'hôpital pour faire le check-up, je ne parle pas avec quelqu'un pour que quelqu'un soit fait le check-up pour moi. C'est moi qui fais le check-up sur moi. C'est, n'est-ce pas? Chacun va faire le check-up. Donc, prenez vos cahiers. C'est seulement pour vous aider, pour vous soyez à même de le faire à la maison. Donc pour moi, ce sera de donner le canevas parce que je ne suis pas exempté. Je vais aussi travailler de la même façon. Parce que la sanctification, c'est pour tout le corps. Il ne s'agit pas de connaître la parole du Seigneur. Il ne s'agit pas de savoir qu'on ne paie plus la dîme. Non. Il ne s'agit pas de dire qu'on ne fait pas Noël. C'est pas ça. Parce que Satan connaît toutes ces choses. Mais comme il trompe les gens, il le connaît. Est-ce que vous comprenez? Il connaît. Mais il n'ira jamais à la repentance. Il n'ira jamais au ciel avec ça. Jamais. C'est ça, n'est-ce pas? La seule connaissance qui peut vous rendre à salut, c'est la connaissance du Seigneur Jésus-Christ. Et pour que le Seigneur te révèle sa connaissance, il faut que tu sois en lui. Sinon, il sera une pierre d'achoppement seulement pour toi. Si le Seigneur dit que tu n'as pas l'alliance avec lui, tu ne le connaîtras pas davantage. C'est pour ça que la Bible nous exhorte de grandir dans la connaissance du Seigneur Jésus. Il faut qu'on soit d'abord dedans, on grandit dans la connaissance du Seigneur Jésus. Si tu es dehors, tu dis que non, il est Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, il n'y a pas de problème. Dis même vrai. Satan sait qu'il est le Fils de Dieu. C'est ses frères et sœurs. Donc on va continuer maintenant. On peut avancer là maintenant. On peut commencer là maintenant pour cette soirée, pour la première session. Il est 6 heures exactement. On peut commencer. Prenez Hébreux chapitre 9. Hébreux chapitre 9. Merci Père. Dans cette session, nous allons voir le standard de l'approche de Dieu. Le standard de l'approche. Vous savez ce que veut dire le standard de l'approche? Je vais expliquer avant qu'on y entre. Le temps que vous trouvez Hébreux chapitre 9. Et au fur et à mesure, on va donner certains versets, puisque au fur et à mesure, ça vient. Quand je parle du standard de l'approche, c'est ceci. Lorsque les enfants composent souvent, comme on vient de remettre les résultats là, vous allez voir quelqu'un a 12 de moyens, l'autre a 8, l'autre a 9, l'autre a 9,94. Vous allez voir quelqu'un qui a échoué, celui qui a 9,94 commence à se consoler en disant qu'il n'est pas seul qui a eu 9,94, mais il est dans la sous-moyenne. Parce que la moyenne pour passer, c'est combien? C'est 10. Il a 9,94, l'autre a 9,00, l'autre a 8. Et il va, lui qui a 9,94, va se tourner voir le dernier de la classe qui a 6. On dit moyen général de la classe. Et lui, celui-là, il a 6. Lui, il se compare avec celui qui est derrière. Il dit qu'au moins, je dépasse celui qui est derrière. Mais on cherchait qui? Celui qui est devant. Donc, il refuse de se comparer à celui qui est devant ou bien de se mesurer avec celui qui est devant. Ça n'a pas de mesure, c'est pas derrière. Est-ce comme ça qu'on doit progresser? C'est un peu comme quelqu'un qui va dire que non, mais on dit qu'il vit dans le péché pour penser que moi, je sais, au moins j'ai déjà confié au moins Jésus-Christ. Ceux-là, les païens là qui vont en boîte de nuit là. Quand ils vont aller en enfer, ils ne discuteront pas avec Dieu. Quand les païens vont aller en enfer, ils ne discuteront pas, ils ne vont pas se dire. La Bible nous dit clairement qu'aucun païen ne discutera pourquoi il va aller en enfer. C'est ceux donc qui croyaient qui auront des problèmes. C'est ça que la Bible déclare. Que ceux qui me disent Seigneur, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous. C'est ça. Donc maintenant, ça veut dire que c'est chez eux qu'il y aura des problèmes. Alors il faut qu'on examine pourquoi donc le Seigneur Jésus qui en a dit que le problème c'est au milieu chrétien, la désillusion au moment du jugement. Il y a une désillusion. Pourquoi? Parce que les gens ont cru que il suffit de confesser le Seigneur Jésus-Christ, on est dans la grâce. On est dans la grâce, on peut vivre n'importe comment. Que non, c'est parce que les chrétiens enseignent. Ce n'est pas ce que l'écriture enseigne. C'est cette fausse chose qu'on a enseigné aux gens qui a fait le temps que la mondanité est entrée, particulièrement la léthargie spirituelle est entrée. On a dit que Christ a tout accompli. On n'a plus besoin de faire quoi que ce soit. On est sous la grâce. Et la Bible déclare dans ce chapitre 2, verset 11 à 13 que la grâce nous enseigne à renoncer aux œuvres du monde. Donc le signe que tu es vraiment sous la grâce, c'est que tu ne vis plus d'après le monde. Voilà le signe qu'on est sous la grâce. Mais maintenant, ceux qui se disent de Jésus sont les plus mondains. Le plus grand mondain aujourd'hui, c'est Jésus. Vous voyez la fête de Noël chrétien. On dans les hip-hop chrétiens. Ceci chrétien. Le football match, les matchs football chrétiens, interquartier chrétien. C'est ce qu'on a fait maintenant. Vous regardez dans la Bible, on dit que non. Le but pour ce qu'on fait, parce que Dieu peut passer, Dieu est souverain. Il peut passer par là pour toucher les chrétiens. Dieu n'a jamais dit qu'il va convertir quelqu'un par le football. Il n'a jamais dit qu'il va convertir par la musique. C'est par la prédication de la parole des vérités. Il n'y a pas deux façons. D'accord? Voilà. Imaginez après pour l'entendre dribbler quelqu'un ou ça que vient te dribbler maintenant pour être comme toi. Pour que tu donnes ta vie à Jésus. Quand on va te gagner, on va dire que c'est Dieu qui a fait que j'ai gagné. Et que vous donnez votre vie à Jésus. Donnez votre vie à Jésus. Parlez. La mondanité. La mondanité. C'est ses frères. Donc, lorsqu'on a des faits dans l'examen, j'ai dit que je vais faire quoi? Que ce soit cette séance, on va faire quoi? Non. C'est pas ce que j'ai dit. Suivez-moi attentivement. Le standard de la poche de Dieu. Le standard. Regardez, si vous ne m'écoutez pas, vous ne voulez pas me saisir. J'étais allé définir le standard de l'approche de Dieu. J'ai pris cet exemple-là de l'école. Lorsque je vais faire l'approche par rapport à mon examen, par rapport à ce que j'ai suivi ou non, j'ai passé, dois-je me comparer avec celui qui est derrière ou me comparer avec celui qui est devant pour pouvoir me porter en avant? N'est-ce pas en avant? Absolument. Absolument. Je vais vous raconter mon histoire quand j'étais en quatrième. Vous savez, j'ai fait l'école primaire anglophone. Et on m'a inscrit directement en quatrième francophone. Donc, j'ai pas fait sixième et pas fait cinquième. Et normalement, à l'école primaire anglophone, j'étais toujours premier jusqu'à ce que je sorte de l'école primaire. Je viens donc à l'école francophone. D'abord, lorsqu'on était 74 en classe, c'est qu'il y a un problème. Alors, d'autre chose, c'est que, à l'école primaire, on a un seul maître qui donne tout. Quand on finit le sport, on part faire le sport, on fait ceci, c'est toujours le même maître qui donne tout. À l'exception des Français. Alors, je me trouve là-bas, je vois celui-ci entre. Il met les règles au tableau, commence à tracer les choses. Il parle en français, il n'entend pas. L'autre, après qu'elle finit, je crois que l'école est finie. Je vois une autre femme entrer encore. Il dit encore, c'est qui encore? Il dit, c'est la maîtresse de telle chose. Il dit, wonderful. Donc, il y a plusieurs enseignants ici. Elle commence à aborder les choses en espagnol. Je dis, mais c'est encore quel genre de langue qu'on parle là. En classe, pendant près de deux semaines, je ne comprenais absolument rien. Donc, mon étonnement, c'était quand on bavardait en classe, parce qu'il sait que de toute façon, en regardant là-bas, il ne comprendait pas. Je me tournais seulement, je regardais visage par visage en classe, c'était mon école là-bas. Je disais, si, est-ce que ces gens-ci ont le même problème que j'ai? C'est là-bas où il y avait mon regard. Je regarde, il regarde, je regarde ici. Tu es anglais et qui là, tu regardes, je regarde ici là. Les gens sont constatés, ils disent, mais sans que c'est moi qui ai le problème. Je ne veux pas vous dire, c'est la relation avec le Seigneur qu'on a depuis là. Quand je suis rentré à la maison, j'ai prié ces jours-là, j'ai dit, Seigneur, j'ai mis le livre de mathématiques ici. Science ici, physique ici, ceci ici. Il dit que tu veux que je fasse quoi ici? Je dis, je suis en 80, ça c'est en 1998. Je ne connais pas le Seigneur Jésus-Christ. Je n'ai jamais lu la Bible. Je mets ça devant, je suis seul comme ça. Je dis dans une maison d'abord, personne n'est jamais allé à l'église. Je mets ça entre guillemets, d'accord? Personne n'est jamais allé à l'église. Donc il n'y a personne qui. Tu n'es pas dans une maison où on te dit que va à l'église. Donc on ne connaît pas Dieu. Païen jusqu'aux autres, quand l'amour est pignon. Alors je suis tenu là sur la table, je ne sais pas ce qui arrive. Il dit, j'ai fermé mes yeux, j'ai mis parce que tu prends la Bible, enfin, pas la Bible là, le mathématique, il y a au moins 200 pages, tu ne sais pas par où commencer. Tu prends ici, il y a au moins 400 pages. Je me suis mis là-bas, il dit, Seigneur, permets-moi de comprendre ces choses. Et frère, à l'instant où j'ai prononcé ces paroles-là, vous savez, si vous êtes dans la lumière, quelqu'un passe dans la lumière, il y a un obstacle. Vous savez, c'est comme si quelqu'un dépassait quelque chose. J'ai vu un tableau traverser devant de moi, il y a une lumière, le tableau traversait comme si ça faisait l'obscurité quitter. Vous savez, j'ai dit, je suis dans la lumière comme ça. Si quelqu'un passe dans, comme le fait qu'il y a la lumière, quelqu'un a obstrué la lumière. Cette tableau-là est passée, la lumière est revenue. Frère, tout simplement. Je veux la mathématique, je comprends. Là. Je veux la physique, je comprends. Là. C'est longtemps après que mes amis ont dit que Tchabdaï allait manger l'écorce de la sagesse. C'est longtemps qu'ils m'accusaient comme ça. Je prends ceci pour vous amener quelque part. En classe, donc, première séquence, j'ai fait cette prière-là. Cette prière-là. On abordait la première séquence. La première séquence, il y avait une fille que je voulais épouser. Il y avait une fille que je voulais épouser. Donc, je l'admirais parce que, elle était chrétienne. Voilà pourquoi elle s'habillait vraiment pieuse, de façon pieuse, pas les délinquantes qui étaient à l'école. Donc, c'est terrible que dès l'enfance, que ce soit comme ça. je l'admirais parce qu'elle n'était pas comme les autres filles qui faisaient n'importe quoi là. Elle était chrétienne, elle était, mais c'était une catholique, une vraie catholique. D'accord? Voilà maintenant. Un, elle-même aussi, dans son parcours, n'avait jamais échoué, elle était toujours première. Mais voici dans mon parcours initial, mais elle a fait l'école normale. Elle est francophone. Donc, moi, je suis de l'école primaire, j'ai fait l'école primaire, puis on m'a sauté là-bas. Donc, j'ai un handicap du fait que je n'ai pas fait le français. Donc, elle était avantageuse. Tout ça, je ne connais pas ce qui se passe à l'école, parce qu'il y a les compétitions entre les premiers des classes. Je ne suis pas au courant. Elle se trouve donc là-bas. Première séquence, elle est première. Je vous dis que je suis en train de parler de l'attitude, le standard de l'approche. Première séquence, elle est première, ça m'a révolté. Si ça avait été une autre personne, autre qu'une femme, qui avait été premier de la classe, non, j'ai resté à ma position. Est-ce que c'est ses frères? Parce que j'ai dit, ah! D'abord, un, je me suis conscient du fait que, donc malgré qu'il regardait les visas ici, je suis quand même sorti qu'à quatrième. Donc, ça veut dire que je peux faire plus. Est-ce que c'est ses? Alors, j'ai regardé, on a dit, premier de la classe, Magne, Téné, Yvette. J'ai dit, quoi? Je ne sais pas qui était deuxième, ni qui était troisième. Je connaissais la première et moi, position quatrième. J'ai dit, ça ne peut pas se passer comme ça. Je pouvais admettre qu'un garçon soit premier, mais pas une fille. Si c'est une fille, elle doit quitter cette position-là. Ça, c'est ce qu'il m'était dit. Je ne suis pas dit que j'ai un macho. Je ne suis pas misogyne. Je suis en train de dire que c'était ma détermination. D'accord? Alors, deuxième séquence, quand on fait une séquence, une autre séquence, et puis on les jumelle, ça donne premier trimestre. Elle avait 12 et 13 de moyens. L'autre séquence, quand on venait avec les bulletins, elle croyait que c'était elle qui devait être elle là-bas. Elle tapait le pied. Elle entend. Premier de la classe, Chab d'Ali Bétan, tout le monde s'est tourné, j'étais petit comme un bout de chou. Comme ça, Derek, c'est qui? L'anglophone, c'est lui. 16 de moyens. 16 de moyens. Et je venais en classe, donc je regardais comme ça, je suivais seulement. Dieu m'avait dit, en ce moment-là, que voici le secret pour toi. Lis les cours avant d'aller en classe. Ce qui fait que j'ai adopté cette méthode-là jusqu'à l'université. Quand je passe dans une classe, je cherche le livre de ces classes. Pendant que vous allez les jouer pendant les vacances, j'ai fait 5 chapitres dans toutes les matières. Je reste tranquille. On joue ensemble le ballon chaque fois. Quand il vient en classe, on vous dit que ça, on va dire. Mes amis disent que, mais attends, on était dans la même classe l'année dernière. Comment tu fais pour comprendre? Si, c'était mon secret. Et si, je ne suis pas encore chrétien. Il dit en 98 là. D'accord? Ok, maintenant, je pose une question. Ai-je fixé mon regard derrière ou bien devant? Le standard. Et maintenant, le fait que j'ai fixé mon regard en haut, ça m'a porté vers là-bas. Est-ce que c'est ici? Parce que mon but, c'était d'arriver à ce point-là. Et maintenant, c'est là où j'ai compris les basculades à l'école. Au lycée, bien, il y a une consommation. Les basculades partout. On dit que, les premiers de chaque classe, on dit que, parce que non seulement j'étais premier là-bas, mais moyen, ils ne savent pas comment on calcule les moyens. C'est pas ce qu'on appelle moyen. On commence à dire premier depuis le quatrième. Je suis encore en tête. Donc, ça commence à faire les remis-ménages partout. On dit qu'il a détourné tout le monde. J'ai dit que prochain défi, il faut que je compose le BPC en quatrième. Prochain défi. On a dit que non, si tu es sûr, tu chutes, tu vas faire comment? J'ai passé le BPC en quatrième. Est-ce que c'est ici? Parce qu'il y avait un défi devant. Donc le standard doit nous porter vers le haut. Ça veut dire ceci. Ce que nous allons voir dans la Bible maintenant va nous porter à regarder si nous sommes dans les mauvaises positions et aller vers ce standard. Vous me saisissez ici? Et aller vers ce standard. Le but, c'est d'aller vers ce standard. J'espère que vous me saisissez bien. Sinon, quand il veut donner le verset, vous ne saisissez pas, vous ne saisirez pas. Le but, c'est d'aller vers ce standard. Donc, ça veut dire quoi? Je ne vais pas dire que tu penses que les chrétiens, les autres chrétiens ont fait quoi? Il ne faut pas se tourner comme ça. D'accord? Il faut se focaliser sur ce que Dieu lui dit des véritables chrétiens. C'est ça que ça veut dire le standard de l'approche de Dieu. D'accord? C'est-à-dire que quel est le standard que Dieu a fixé pour les chrétiens? À ce rythme, si vous pensez que le secteur de Dieu va sortir, c'est vraiment rempli. Ouais, pourquoi je veux seulement que ces gens l'enseignement, on prêche en nuit le plus, parce qu'on a le temps, même 7 heures de temps, qu'il parle pendant 7 heures de temps, 8 heures de temps, n'est-ce pas? Donc, je te dis ceci, saisissez-moi bien. Il y a un standard, une norme qui a été fixée dans les Écritures. On a quitté cette norme là-bas. Et on a normalisé, maintenant là, on a écarté. C'est-à-dire que normalement, maintenant, les chrétiens, Dieu ne regarde pas à l'extérieur, comme vous entendez. Dieu ne regarde pas à l'extérieur, il regarde seulement à l'intérieur. Dieu va comprendre. Il faut faire l'essentiel. L'essentiel, c'est que si tu as l'amour, déjà si tu l'as même. Si tu as l'amour, c'est terminé. Parce que la Bible résume à deux commandements. Aime Dieu et aime ses autres. On te pose la question, si tu aimes Dieu, tu ne peux pas savoir si tu aimes Dieu. Est-ce que c'est, n'est-ce pas? Mais le Dieu tout-puissant vient lui, il dit que heureux ceux qui ont le cœur pur. C'est un défi pour avoir un cœur pur. C'est un défi là-bas maintenant. Vérifie donc oui ou non si tu as le cœur pur. Donc ça veut dire que si il lit la Bible, je vois heureux ceux qui ont le cœur pur, ils verront Dieu. Dieu vient de dire que ce n'est que ceux qui auront le cœur pur qui vont voir Dieu. Question. Ai-je le cœur pur? La réponse à cette question me conduira à la position où je suis. Donc voilà donc le standard. D'accord, frère? Hébreux chapitre 9, c'est ce qu'il dit, n'est-ce pas? Hébreux chapitre 9, prenons le verset 24, puis on va s'arrêter au verset 28. Hébreux chapitre 9, verset 24, au verset 28. Quelqu'un peut lire à haute voix? Car Christ n'est pas entré dans un sentier fait de main d'homme. Oui. En imitation du véritable. Mais il est entré dans le ciel même. Oui. Afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Oui. Et ce n'est pas pour s'offrir lui-même plusieurs fois qu'il y est entré, comme le souverain sacrificateur entre chaque année dans le sentier avec du sang étranger. Verset 26. Oui. Autrement, il aurait fallu qu'il eût souffert plusieurs fois depuis la création du monde. Oui. Tandis que maintenant, à la fin des siècles, il apparaît une seule fois pour abolir le péché par son sacrifice. Oui. 27. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement? Oui, 28 maintenant. Écoutez attentivement maintenant. Allons-y. Hein. Le même Christ qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, oui, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Amen. Donc, Christ est déjà venu, il a ôté le péché une seule fois, n'est-ce pas? On dit qu'il revient, il reviendra pour ceux-là, pas pour tout le monde. Pour qui? Je veux que vous regardiez le mot qui est écrit là-bas. Je vais parler du standard de l'approche. Jésus-Christ vient pour tout le monde. Non. Regardez ce qu'on a dit, quoi. Il revient pour qui? Ceux qui l'attendent pour leur salut. Voilà. Ils l'attendent pour leur salut. Pas vrai? Ok. Ça suppose que les personnes sont dans l'expectative, n'est-ce pas? Donc dans l'attente que quelque chose arrive. Question donc maintenant. Sommes-nous précisés maintenant? Non. Donc si on ne comprend pas la façon de l'attendre, ou bien si on est préparé pour l'attendre, on ne pourra pas entrer. Parce qu'il vient pour ceux qui sont prêts. N'est-ce pas? Alors dans le livre d'Éphésiens chapitre 5. Éphésiens chapitre 5. Donc nous sommes en train de voir le standard. J'espère que vous prenez les versets au fur et à mesure quand ça va venir. Éphésiens chapitre 5. Vous êtes avec moi maintenant. Regardez attentivement. Si vous êtes prêts, maintenant, je vais donner. Lorsque vous allez rentrer pour la méditation, lisez tous les versets du verset 1, de ce chapitre-là, du verset 1 jusqu'au dernier, n'est-ce pas? Maintenant, on va embriguer là maintenant. Regardez attentivement. Lisez-moi les versets 16 et 17. Allons-y, frère. Rachetez le temps. Oui. Car les jours sont mauvais. Stop. Vous avez entendu ça? Quoi? Pourquoi? Vous avez entendu ce que la Bible déclare? Ça se passe qu'on n'a plus de temps à perdre. On n'a plus de temps à perdre. Donc faites vite, parce que c'est dangereux. Les jours sont mauvais. Verset 17. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés. Oui. Mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Qui ici veut comprendre donc quelle est la volonté du Seigneur pour fuir ces mauvais temps qu'il y a? Vous êtes d'accord avec moi? Quand nous tous, nous savons, donc, Dieu nous a indiqué que ces jours-ci sont mauvais. N'est-ce pas? Les deux, il faut qu'on leur achète et qu'on comprenne quelle est la volonté du Seigneur. Après le verset, on va dire, ne vous enivrez pas du vin. Pour comprendre, dans ce chapitre-là, il allait parler du standard des enfants de lumière. Dans ce chapitre-là, le standard des enfants de lumière. Ne faites pas ceci, faites plutôt ceci. Ne prenez pas poids aux œuvres infectées, ne condamnez-les. Il dit que comprenez quelle est la volonté du Seigneur. N'est-ce pas, frère? Vous y êtes? Est-ce qu'on peut continuer? J'ai dit une chose, de parler du standard de l'approche. Premier verset, Hébreux chapitre 9. Jésus-Christ est apparu une seule fois pour ôter le péché. Lui-même, il était sans péché. Il reviendra une seconde fois à ceux qui l'attendent, pour qu'ils l'attendent pour leur salut. Pour leur salut. Ici, on dit, rachetez le temps car les jours sont mauvais. Et on dit maintenant qu'il faut qu'on comprenne la volonté du Seigneur. Allons-y au verset 29 et 30 là. Allons-y, verset 29. De ce même chapitre là. Oui. Oui. Oui. Oui. Pour acheter le temps. Amen. Allons-y, verset 29 et à 30. Allons-y, frère. Car jamais personne n'a haï sa propre chair. Oui. Mais il la nourrit et en prend soin. Oui. Comme Christ le fait pour l'Église. Continue. Parce que nous sommes membres de son corps. Oui. Oui, continue, frère. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère. Rentre donc depuis le verset 27 en montant. Je veux que tu me caches, que tu m'arrêtes ce verset-là. Parti du verset 27. Allons-y. Afin de paraître devant lui cette Église. Descends au verset 25. Prends à partir de la 25. Allons-y. 25. Oui. Marie, aimez vos femmes. Oui. Comme Christ a aimé l'Église. Stop. Christ a aimé l'Église. Allons-y. Et s'est livré lui-même pour elle. Christ s'est livré l'Église. Pas le bâtiment, n'est-ce pas? Les membres, n'est-ce pas? Il veut que vous compreniez ce qui va être dit là-bas. Allons-y. Afin de la sanctifier par la parole. Stop. Fais quoi? Sanctifier. La sanctifier, la aimer pour qui? L'église, le nettoyage de l'église, c'est par la parole. Si on la nettoie, c'est parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec elle. La sanctifier par la parole. Parce que la sanctification par la parole, on la nettoie pour que quelque chose se passe. Souvenez-vous de ceci. Il revient à ceux qui l'attendent pour leur salut. Le standard de l'approche. D'accord? Maintenant, allons-y. Après l'avoir purifié par le baptême d'eau. Vous entendez? Oui. Allons-y. Afin de faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Stoppons là-bas. Donc, le standard de Dieu, pour ceux qui vont l'approcher, c'est quoi? Le standard, c'est quoi? Donc, l'histoire de Dieu va comprendre. Dieu aime tout le monde là. Il faut que vous arrêtez ça. Arrêtez. Il a dit que l'église qui va se présenter devant lui. Non, j'étais protestant. J'étais protestant. Vous avez le musicien qui a dit que le sort là. J'étais témoin de Jéhovah. J'aurais souhaité que tu sois enfant de Dieu, même comme ce n'est pas normal la musique là. Parce que Dieu ne souhaite pas que quelqu'un soit son enfant. Son enfant viendra de toutes les façons. Donc ici, il dit que afin, il travaille dans la parole, il lave cette église-là afin de la présenter devant lui, de le faire paraître devant lui. L'église qui va venir devant le Seigneur Jésus-Christ, c'est sans tache ni ride. Je vais le dire ici parce que nous allons voir une deuxième session maintenant où il y a un témoignage. C'est le témoignage principal qu'on va suivre maintenant. Vous allez suivre le témoignage avec votre stylo. Donc après cette première session, je vais vous donner 5 minutes de repos et puis je vais mettre le témoignage pour que nous suivions ensemble. Ensemble, vous soyez attentifs et vous notez ce qu'il en est. Après ça, on arrête et puis chacun rentre. D'accord, frère? Donc, il dit que le but ici, pour lequel l'apôtre est en train de travailler, les apôtres sont en train de travailler, c'est pour présenter cette église. C'est pas n'importe quelle église. Il n'a pas dit les églises. Il a dit cette église. L'église, le modèle de l'église, c'est sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais irrépréhensible. Colossiens, hein? Colossiens. Vous y êtes? Merci, Père. Vous êtes suffisamment d'engager comme ça, vous voyez comment ça commence à déclencher. Ça commence à déclencher. Colossiens, si vous y êtes au chapitre 1 de Colossiens. Vous êtes là. Je vais vous lisez les versets 20 à 22. Allons-y. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même. Oui. Tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux. Oui. En faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Oui. Et vous, qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées. Stop. On était ennemis par quoi? Donc, ta pensée fait que Dieu soit ton ennemi. Souvenez-vous que tout votre être, corps, âme et esprit soit gardé irrépréhensible, irréprochable à sa venue. Non, Dieu va comprendre. Il n'y a pas du standard de l'approche. Donc, plus le Seigneur Jésus va venir, plus il faut qu'on s'arrange davantage. Au fur et à mesure que vous allez comprendre ces genres de prédications, ça va vous éloigner davantage du monde. La sanctification va avoir lieu. Si on est dans un système où on suit aussi, on dit que non, je ne suis pas parmi les premiers, je ne suis pas parmi les deuxièmes, je suis au milieu. Donc 10e, 15e, c'est hostile entre ça. Pourquoi ne pas être premier? L'apôtre Paul ne courait pas pour être entre les deuxièmes, les deux premiers, et le troisième, etc. Il courait vers le but pour avoir la vocation, pas vrai? Il courait vers le but pour obtenir la couronne. Pourquoi aujourd'hui on est si fébrile? On est si vraiment laxiste? Pourquoi on est si vraiment déterminé à traîner la queue? Pourquoi ne pas réveiller? Il dit que autrefois nous étions quoi? Ennemis par nos pensées. Donc la façon dont tu penses détermine si oui ou non tu seras enlevé. Il dit, nous sommes ennemis. Il dit autrefois. Il en a parlé aux Éphésiens, aux Colossiens, parce qu'il y a quelque chose, une œuvre de régénération qui a été passée pour eux. Mais nous sommes dans un cadre maintenant où nous ne sommes pas encore comme les Colossiens. Il dit autrefois pour montrer aux païens que vous étiez ennemis par vos pensées. Donc quand un païen pense n'importe quoi, il est ennemi de Dieu. Maintenant, un serviteur vient vers un païen et dit que Dieu t'aime. Que Dieu t'aime beaucoup. Comme tu ne l'aimes pas là, il t'aime, tu parles. Non, ce n'est pas comme ça. Il dit qu'avec celui qui est pur, tu agis selon sa pureté. Avec le pervers, tu agis selon sa perversité. Vous savez ça, frère? Ok, maintenant, continuons, c'est pas fini. Et par vos mauvaises œuvres. Stop. Par vos mauvaises œuvres. Ça veut dire que n'importe quoi que tu faisais, ça était la sanction de Dieu, c'est que c'est comment? Mauvaise. C'est mauvaise. Allons-y, continuons, c'est pas fini. Il vous a maintenant réconcilié par sa mort dans le corps de sa chair. Oui. Pour vous faire paraître devant lui saint. Oui, hein? Irrépréhensible. Deux. Et sans reproche. Souligné. Vous avez su ce qu'il dit là? Donc Dieu prend les gens dont les pensées sont mauvaises, dont les œuvres sont mauvaises. Le but ultime, le standard, le niveau où vous voulez les amener, c'est pour les faire paraître devant lui. On a lu ça dans Éphésiens chapitre 5 tout à l'heure. Pour les faire paraître devant lui. Saint. irrépréhensible. Vous voyez le standard, n'est-ce pas? Irrépréhensible. Je dois aussi lire un verset là-bas. Lis alors à haute voix. À haute voix. Bon, 1 Timothée chapitre 6, à partir. Stoppons là-bas. Donc on va prendre cela. On va lire parce qu'il y a façon de l'autre va lire. Prenons cela. 1 Timothée chapitre 6, verset 14. On va prendre la partie verset 15. 14 et on va descendre. D'accord? Voilà. Regardez l'exhortation que l'apôtre Paul donne à Timothée. Et maintenant, vous voyez donc ce que les pasteurs aussi donnent à leurs fidèles quand ils imposent les mains. Et que mon garçon soit essaie d'être seulement fidèle. C'est qu'il n'y a pas d'homme qui vit sans péché. Il n'y a pas d'homme fidèle sur la terre. C'est ce que un pasteur, en mettant la main sur son diacre, dit. Que son diacre devienne diable. Seigneur. Mais maintenant, regardez ce que quelqu'un dit à son fils, à qui il veut le bon, le meilleur. Donc, dans ce 1 Timothée chapitre 6, vous y êtes déjà. Maintenant, regardez bien. Vous allez voir, je veux que vous regardiez, suivez attentivement la façon dont vous allez lire. Vous allez regarder, le verset 15 commence par « Je te recommande ». Vous y êtes? Verset 13, regardez. Il dit « Je te recommande devant Dieu ». Je veux que tous les, on va dire que celui qui fait comme ça, qui fait comme ça. Allez, le verset suivant commence par comment? Par quoi? Et de vivre sans tâche, sans reproche. Voilà. Regardez. Lisez d'abord premièrement le verset 13 d'abord. Allons-y. Je te recommande devant Dieu qui donne la vie à toutes choses. Oui. Et devant Jésus-Christ. Oui. Qui fit une belle confession devant Ponce Pilate. Oui. De garder le commandement. Stop. Donc remarquez bien dans ce verset 13 là, il y a « Je te recommande devant Dieu ». Vous allez lire cela. Puis vous allez lire « De garder le commandement » avant de continuer avec l'autre verset. Donc le devant Dieu qui gagne ceci, ne lisez pas cela. D'accord? Je veux que vous compreniez l'impact. D'accord? Donc, j'espère que vous avez compris. Vous avez compris le principe. Lisez « Je te recommande devant Dieu » dans le verset 13. Puis vous allez directement « De garder le commandement » et puis vous continuez au verset 17. Allons-y, 1, 2, 3. Vous avez vu le standard ça? Vous avez vu? Je te recommande devant Dieu de garder le commandement et de vivre comme un. Comme, vous avez la gorge rouge? Donc vous voyez maintenant, ça veut dire que notre chrétienté d'aujourd'hui, face à la Bible, c'est le jour et la nuit. Notre chrétienté, notre façon de vivre, c'est le jour et la nuit. Donc celui-ci, si vous continuez là-bas au chapitre, dans 2 Timothée chapitre 3, il va parler plusieurs fois. Il dit que avant qu'il ne vienne, prends soin de lire la Bible, les saintes lettres, car en le faisant, tu ne dois pas t'éloigner, tu vas te sauver, tu vas sauver ceux qui t'écoutent, les Écritures. Regardez, il dit, je te recommande devant Dieu de garder le commandement et de vivre sans tâche, sans repos. Il dit jusqu'à. Donc le un style de vie pour le standard de l'irrépréhensibilité. Est-ce que vous comprenez? Sur le modèle chrétien qu'on vit aujourd'hui, est-ce que c'est le modèle chrétien qu'on vit aujourd'hui? Chaque religion maintenant, enfin, chaque dénomination maintenant, ils ont des festivités. Ils ont la fête agricole aujourd'hui, la fête de la récolte là-bas, la dédicace des livres du grand pasteur. Si ce n'est pas ça, c'est l'anniversaire de la maman pasteur. Si ce n'est pas ça, c'est la nouvelle convention. Si ce n'est pas ça, c'est le séminaire sur le mariage et les célibataires. Si ce n'est pas ça, c'est le kermesse qu'on a sorti. On embrouille les gens pour qu'on ne voit pas le standard. Alors par conséquent maintenant, jeune célibataire homme, venez vous inscrire, 2700, jeune célibataire femme, c'est 5000. Parce que dans cette rencontre-ci, on va trouver ces couples. Pour preuve, Dieu a béni plusieurs couples ici l'année dernière qui sont rencontrés dans le séminaire sur le célibat. Voilà les chrétiens d'aujourd'hui. Alors on les amène à Limbé. Les frères et les sœurs se voient entre eux. L'impurité dans les pensées qui sont en mauvaise, qui sont une abomination devant Dieu, ils rentrent avec cela. On les amène pour les pervertir, c'est pour que Dieu les aide davantage. Après ils rentrent et disent, Seigneur, je t'aime. Seigneur, je t'aime. On est surpris que ce jour-là, on va dire, Seigneur, mais il dit, je ne te connais pas. Et en fait, vous avez deux choix. Soit vous suivez ce rythme de l'écriture, mais vous suivez donc la grande majorité. C'est le standard. D'accord? C'est le standard. Ennemi de Dieu par les pensées. Pas encore ça. Les pensées. C'est que tu penses. Et la Bible déclare en Proverbe que les pensées perverses sont en abomination à l'Éternel. En abomination. Donc tu restes concentré de méditer que la fille là, il faut qu'elle lui dise telle chose comme ça pour qu'elle croit. Comme ça là, Dieu dit que tu es en abomination. Et pourtant tu as fait ça, personne n'est avec toi. Puis-je donc vous rappeler que chacune des choses, vous souvenez, un des choses, je vous avais dit ici que, au milieu, pendant que j'étais prêché, il y a une personne ici qui tente de vouloir faire quelque chose. Là, c'est-à-dire que ça, c'est hors d'ici. Elle voulait faire quelque chose. Une pensée lui est venue que si tu fais comme ça, le gars là va savoir. À l'instant de penser, il pouvait savoir cela. Maintenant, quand j'ai su, la personne savait, mais la personne dit que je vais voir si la personne va déterminer, si il peut pécher. Je vous ai dit ici que ce qu'elle pêche, ce sont, vous vous souvenez, n'est-ce pas? C'est au milieu de nous. Quelle pêche? J'ai ma femme à la maison, non? J'ai mes enfants. J'ai pris. Ça, en rentrant tout à l'heure, il y a l'enlèvement. J'ai pas 100%. J'ai pas. Pas derrière, vous prenez l'ordinateur, même la clé de la voiture, vous prenez. Si la bagarre n'aurait pas commencé au milieu de vous, d'abord vous commencez. Donc faites attention que quelqu'un ne soit pas une occasion de chute pour vous. D'accord? Sur le standard à la base. Si quelqu'un veut qu'on évolue comme ça, on va partir. De toute façon, on ne dira pas que quelqu'un est parti. Le standard va le chasser. Le standard. Le standard, c'est qui va le chasser. Si au fur et à mesure, on a de continuer, vous allez comprendre effectivement que plus vous continuez dans ce standard, automatiquement, vous laissez les choses du monde. Automatiquement. Parce que vous allez vous concentrer sur les choses du Seigneur. Remarquez bien dans 1 Pierre chapitre 3, lorsqu'on dit aux femmes que ne vous parlez pas à l'extérieur, on dit que non, il faut qu'ils prennent le temps pour ma beauté. Si on ne fait pas comme ça, les frères vont me voir comment. Donc les frères vont me voir, c'est qu'on a les mettre sur toi, pas toi. Est-ce que vous comprenez? Or, la Bible déclare donc de se concentrer sur l'intérieur. L'intérieur, la parure intérieure est cachée qui est un grand prix devant Dieu. Donc, une femme qui prend le temps pour travailler à l'intérieur, la Bible déclare qu'elle aura le trophée devant le Seigneur. Alors, elle prend le temps plutôt à l'extérieur. L'extérieur, qu'est-ce qu'elle fait comme ça? Elle passe devant les frères, comme ça. Elle croit qu'elle est Jennifer Lopez, tu parles. Tu es un noir au Cameroun. Pas vrai? Même si tu as mis Kirikou ou Sikarabou, que vous appelez, si même si ce n'est plus comment, ça ne peut pas marcher. Pourquoi? Parce que tu es noir. Oui, c'est n'est-ce pas? Donc il faut qu'on fasse attention. C'est le standard de l'évangile. Un Jean. Tout ceci, c'est pourquoi nous passons à l'examen. Parce que souvenez-vous, le but prochain, les prochaines séances maintenant, c'est cet examen ce dont on va voir. Je vous ai dit au nom de Jésus-Christ que qu'on passe bien cet examen, on va passer 100%, l'Esprit de Dieu va se manifester. Ce sont règles à lui. Si mon peuple, sur qui a invoqué mon nom, s'humilie, prie, c'est de tout de ce mauvais vœu, du haut de ce, je l'exaucerai. C'est ce qui est écrit, frère. Vous allez expérimenter cela. Soyons seulement sérieux avec le Seigneur. Vous allez voir donc la différence entre la religion et le chrétien. La religion et le chrétien. Professez en parole. Vous allez vivre la puissance de Dieu. 1 Jean chapitre 1. Vous êtes avec moi. Premier épître de Jean, chapitre 1. On va lire à partir du verset 4, on va s'arrêter au verset 8. Enfin, oui, allons-y. 1, 2, 3. Oui. Et nous écrivons ces choses afin que notre joie soit parfaite. Oui. La nouvelle que nous avons apprise de lui. Faites attention, maintenant suivez attentivement. Allons-y. La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière. Oui. Et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Stoppons là-bas. Donc, ce que les premiers disciples ont appris, c'est un principe simple. Dieu est lumière, il n'y a pas de ténèbres en lui. Donc, ça veut dire qu'un péché ne peut pas sortir de Dieu. Une vie impure ne peut pas sortir de Dieu. Voilà la nouvelle qu'ils ont apprise et qu'ils font connaître à ceux qui sont devant. Continuons. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui, oui, et que nous marchons dans les ténèbres, oui, nous mentons. Stop. Vous saisissez, frère. Vous saisissez. Donc, si on dit qu'on est en communion avec Dieu, si on dit qu'on marche avec Dieu et que nous marchons dans les ténèbres, il dit quoi? Et la vérité n'est point. La vérité n'est point en nous. Donc on est en train de se tromper. Donc il faut qu'on vérifie si oui ou non on est en train de se tromper. Oui ou non. D'accord. Oui, allons-y. Mais si nous marchons dans la lumière, oui, comme il est lui-même dans la lumière, oui, nous sommes mutuellement en communion. Et quelle est la conséquence? Et le sang de Jésus, son fils, nous purifie de tout péché. Enfin, voilà la condition. Donc la condition pour marcher avec Dieu, dans ce sens qu'ils sont les 10 là, qu'ils sont les voir depuis là, c'est ceci. C'est quitter le péché. Quand tu quittes le péché, le sang qui a été versé est pour toi pour pouvoir te purifier. Donc si tu dis, Seigneur, pardonne-moi, j'ai pas péché. Pardonne-moi, j'ai pas péché, tu es en train de blaguer. Tu es en train de blasphémer ce sang là. Où c'est ces frères? Continue, c'est pas fini. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, oui, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Oui. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Vous avez entendu, n'est-ce pas? Amen. Est-ce que nous croyons donc en s'examinant? Si nous voyons des hommes d'hommes chez nous, nous parlons à Dieu, la Bible nous rassure, il va nous purifier. Pas vrai? Amen. Et s'il nous purifie, qu'est-ce qu'il va faire donc? Puisqu'il dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé et vous recevrez le don du Saint-Esprit. N'est-ce pas ce qui est écrit dans l'Écriture? C'est ça qui viendra. D'accord, frère? On peut avancer ou bien on peut laisser comme ça pour la première session. Vous avez, est-ce que quelqu'un a compris ces principes du standard? Le standard dont Dieu est en train de vouloir dire. Le standard, c'est ceci. C'est que, 1, nous sommes dans les ténèbres. 2, nous vivons dans l'iniquité. 3, l'heure est grave. 4, il faut qu'on comprenne la volonté de Dieu. 5, ce n'est que l'église sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Ça veut dire que c'était n'importe quoi, de la mondanité, ça ne doit pas s'attacher à son église. C'est-à-dire que tel qu'il a semé l'église dès le départ, la façon dont il vivait, c'est comme ça qu'il va retrouver cela. C'est eux-là qui partent. Même si quelqu'un philosophie n'est pas comme, ne vous inquiétez pas. C'est quand ça va faire boum, la seconde d'après, parce que la Bible déclare c'est en un clin d'œil. Quand quelqu'un va faire comme ça, en se retournant, que c'était terminé. Quand c'est terminé, il n'y a pas deux enlèvements, mon frère. Pour l'église, il n'y en a pas deux enlèvements. Quand tu as fait, tu entends que quelqu'un a disparu, ça va nous dire clairement ceci. La prochaine chose que tu fais, c'est comment faire pour résister par la grande tribulation pour ne pas prendre la marque là-bas. C'est la seule, c'est le seul enseignement que tu auras là-bas. Donc, il y a les enseignements là-bas. Je vais vous donner le site comme ça. Si vous avez, vous ratez l'enlèvement, vous savez maintenant comment faire. Souvenez-vous de ceci. Dans cet enseignement-là, il n'est pas fait mention de là où vous pouvez vous cacher. Il est seulement fait mention de soit tu prends la marque, soit tu ne prends pas. Hébreux chapitre 12 dit que nous n'avons pas encore lutté contre le péché jusqu'au sang. C'est la grâce maintenant. Il dit la sagesse crie dans la rue, dans les places bruyantes. Que stupide, jusqu'à quand, quoi, vous allez vous contenter de la stupidité. Venez ici, j'ai mené mon sacrifice, j'ai versé le sang, venez donc, venez au festin. Il dit Proverbe chapitre 1 annonce comme ça là, la prédication de la croix. Proverbe chapitre 1. Après, il a dit quoi au chapitre 2? Il dit que puisque j'appelle, vous ne répondez pas. Quand le malheur fondra sur vous, je rirai. Donc, c'est là où on va laisser la joie qu'on devait vivre. Si on va juste là-bas en haut, on regarde en bas, on se dit que waouh, waouh, waouh, c'est là-bas en haut. Vraiment. Donc, il faut qu'on fasse attention. Apocalypse. Vous y êtes avec moi? Merci, Père. Apocalypse chapitre 21. Vous êtes avec moi? Le verset 27, qu'est-ce que ça dit? Il n'entrera chez elle rien de souillé. Oui. Ni personne qui se livre à l'abomination. Oui. Et au mensonge. Il n'entrera que ceux. Dont le nom? Que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Amen. Amen. Vous avez vu, c'est ceux donc qui vont entrer, non? Personne qui se livre à l'abomination. Lorsque quelqu'un lit ce verset-ci, la première chose, quand on parle de l'étude biblique, c'est que vous allez dans la Bible, vous recensez les versets qui parlent de l'abomination. Vous commencez à voir donc, si tu fais une de ces choses-là, tu n'entreras pas, c'est ce que la Bible veut dire. Il n'entrera personne chez eux qui se livre à l'abomination. Exemple d'abomination. C'est une c'est quoi? C'est une femme qui portera le vêtement, donc est en abomination à l'Éternel. Voilà, c'est un genre d'abomination. N'est-ce pas, frère? Le cœur pervers est en abomination à l'Éternel. Si ton cœur est pervers, voilà le un genre d'abomination. Les magiciens sont en abomination à l'Éternel. Voilà ce genre d'abomination. Il y a six choses que hait l'Éternel, et même sept dont il a en abomination. Le cœur qui, le pied qui court au mal, un faux témoin qui dit des mensonges, c'est le cœur qui me dit le mal. Ces choses-là sont en abomination. Donc, il dit que ceux qui font commettre des choses, ils ne peuvent pas entrer. Donc, si tu lis ce genre de versets, il faut aller dans la Bible. Tu dis, qu'est-ce que Dieu appelle par celui qui a en abomination? Tous les versets où l'abomination est connue, le ciel, fais attention. Si vous vivez, ça va quitter. Aujourd'hui, donc, on dit aux gens, on dit non, le pantalon, où est-ce qu'on a dit que c'est le pantalon? Attendez seulement, quand ça va arriver, vous saurez. Que c'est le slim qui va avec les femmes. Il fait leur délivrance. Donc, il n'entrera personne qui est impur, ni au mensonge, c'est livre au mensonge. Donc, si quelqu'un, si tu viens vers moi, tu dis, frère Junior, tu dis, tu mens, c'est mon problème. C'est ton âme qui est en jeu, pas mon âme. Donc, c'est toi et Dieu. Est-ce que c'est ici? Je vais vivre dans cette voie-là. Moi, je vais vivre dans cette voie, dans cet état des standards. C'est là où je vais aller. D'accord? Fermons donc les Bibles. Que Dieu vous bénisse.